Imprimé pour la première fois en 1699 avec privilège du roi à Besançon, les mémoires de Gaspard, comte de Chavagnac, suscitent une controverse séculaire au regard de la difficulté à déterminer leur degré d'authenticité. Souvent cité, parfois sans méfiance particulière, réédité sans grande rigueur à l'extrême fin du XIXe siècle, édition de 1899 et de 1900, les dernières, très mal édité et manipulé dans la formulation du texte, ils plaisent par leur narration globalement exacte, parce qu'à quelques détails près, bon, il y a quelques inexactitudes, mais ce n'est pas cela qui permet de distinguer l'authentique de l'apocryphe, parce qu'un texte trop parfait peut également susciter la méfiance, et ces mémoires ont un style agréable. Le privilège du roi ne laisse transparaître aucun doute, même si nous pouvons nous interroger sur le changement de style des dernières pages du livre, ce qui ne constitue pas non plus une preuve. Les mémoires du maréchal de Villars évoluent après 1723 en journal, il y a un changement de style et ils sont authentiques. Le nom de Courtilhosandra est souvent revenu dès le premier tiers du XVIIIe siècle, lorsqu'il était question de la paternité des mémoires de Chavagnac. Cette hypothèse, admise par Kérard dans sa France littéraire et ses supercheries littéraires dévoilées, est pourtant remise en cause depuis près de 40 ans par les spécialistes de l'auteur des mémoires de M. d'Artagnan, tels Jean Lombard et Carole Athème, qui attribuent à Courtil une contribution mineure à l'écriture de l'œuvre. L'œuvre d'un teinturier ou d'un secrétaire relativement libre sur la forme, comme Thomas Dufossé avec Pontis, à partir de papiers personnels aujourd'hui égarés ou disparus, n'est pas à exclure. Apocryphe ou non, les mémoires de Chavagnac offrent une chronologie complète à la première personne du parcours mouvementé du comte de Chavagnac, de son entrée dans le métier des armes en 1638 vers l'âge de 14 ans, à la mort du maréchal de Luxembourg précédant la sienne en 1695. Nous nous intéresserons ici à l'année 1681. Qui vit son retour en France après avoir passé une quinzaine d'années à servir l'Espagne et les impériaux. La signature de la paix de Nimègue en 1678 ouvrit des perspectives de retour avec l'autorisation de Louis XIV. La relation du retour de Chavagnac entame la conclusion des mémoires, plaçant désormais leur personnage dans une position de spectateur sorti du monde. La narration de cet événement, à la fois précise et floue dans son déroulement, mêle des éléments relativement communs au retour d'exil avec des allusions aux circonstances nouvelles de la cour que l'on retrouve de façon plus ou moins similaire chez d'autres mémorialistes à d'autres occasions. Chavagnac revint en France achever son existence au tournant du règne de Louis XIV. Son retour d'exil, tel qu'il est narré dans les mémoires publiées sous son nom, oscille entre la conclusion amère d'une vie aventureuse passée et la diatribe peu dissimulée envers un système de la cour et un ordre nobiliaire bouleversé. L'exil de Gaspard de Chavagnac n'avait au départ rien de honteux. Il n'avait pas pour origine une quelconque compromission d'honneur. Son départ eut lieu en temps de paix, en 1664, avec l'accord d'Anne d'Autriche, qui avait gardé une certaine autorité politique et morale en dépit de son retrait consécutif à la prise de pouvoir de son fils en 1661, le fameux gouvernement personnel de Louis XIV. Anne d'Autriche servait d'intermédiaire entre la France et l'Espagne, encore gouvernée par son frère Philippe IV. Le comte de Marsin, liégeois qui avait servi le Saint-Empire avant de partir en France puis en Espagne, l'exhorta à entrer au service de cette dernière. Voilà ce qui est écrit dans les mémoires de Chavagnac. « À mon retour à la cour, comme j'étais dans la chambre de la reine-mère, un Espagnol me donna une lettre du comte de Marsin par laquelle il me mandait qu'il fallait que je fusse un grand Jean Foutre pour demeurer en France pendant qu'il n'y avait pas de guerre et que si je voulais aller en Espagne où il y avait des affaires avec le Portugal, j'aurais tous les emplois que je pourrais souhaiter. » Marsin s'était lié au prince de Condé alors que celui-ci avait commencé à émerger comme général d'armée. Les mémoires de Chavagnac l'évoquent pour la première fois à l'occasion de la bataille de Nördlingen en 1645. Il devait au prince son ascension jusqu'au grade de lieutenant général des armées du roi en 1647, malgré des compétences finalement limitées, au regard des erreurs tactiques qui coûtèrent à la France l'occupation de la Catalogne au début de la Fronde. Marsin est qualifié d'ami particulier de Chavagnac. Les deux hommes suivirent Condé dans la Fronde des Princes, presque par accident pour notre personnage, si l'on suit les mémoires, Chavagnac quitta cette faction dès 1652 et le combat de la Porte Saint-Antoine suite à une brouille avec Condé, tandis que Marsin persista. Ce dernier resta au service de l'Espagne, ce qui n'empêcha pas son fils de servir plus tard la France et de devenir le maréchal de France malheureux à Turin. Bien que revêtu d'une patente de maréchal de camp datée du 30 octobre 1652, Chavagnac n'eut pas la carrière qu'il aurait souhaité suite à son ralliement à Mazarin. Il n'était pas de ceux qui avaient eu le pouvoir de négocier leur accommodement. Pire encore, il ne gagna pas de grade supérieur, ayant eu à servir comme volontaire pour se maintenir au service, ce que les mémoires qualifient de sottise. La mort prématurée du duc de Candale, colonel général de l'infanterie en survivance, compromit sa carrière militaire. Chavagnac n'eut même pas l'occasion de servir dans la dernière campagne avant la paix. Aussi peut-on dire qu'il avait fort mal mené sa barque, tout en n'ayant pas été favorisé par les circonstances. Il ne revint à la cour qu'en 1664 pour mieux quitter le royaume. Il était impossible de savoir quand le service pour le roi de France allait être propice à de l'avancement, d'autant qu'il était difficilement prévisible de préparer la prochaine guerre, a fortiori quand on se trouve en Auvergne, loin du centre du pouvoir. Les désirs d'élévation semblaient pouvoir se concrétiser avec la guerre hispano-portugaise, qu'on retient surtout pour le commandement tenu avec succès par le comte de Schomberg pour le Portugal. Or, Chavagnac n'eut pas le temps d'entrer au service de l'Espagne que celle-ci avait été défaite. Parti pour la cour de Vienne à l'automne 1666, il parvint à établir des relations utiles pour enfin donner une impulsion à sa carrière militaire et diplomatique. Chavagnac se lia à Charles V de Lorraine, dont la biographie remarquable vient de sortir sous la plume de Laurent Jalabert, et Charles V de Lorraine devint à partir de 1670 le célèbre duc de Lorraine sans duché. Il joua ainsi un rôle dans les tractations avortées en faveur de ce dernier pour l'élection au trône de Pologne. La guerre de Hollande venue, Chavagnac servit comme lieutenant général sous le duc de Lorraine ou sous Montecuccoli, le point d'orgue des mémoires étant certainement celui de la mort de Turenne. La paix signée, Charles de Lorraine ne recouvra pas ses états et Chavagnac fut de nouveau plongé dans l'inaction, avec de vagues promesses de grâce. Ce furent pourtant des engagements analogues qui lui furent présentés par le marquis de Vitry, ambassadeur de France auprès de l'électeur de Bavière. L'exilé choisit de revenir en France sans se rendre compte de quelque duperie. L'espérance qu'on me donnait, jointe au désir naturel à tous les hommes de revoir la patrie, l'emporta sur la réflexion que je devais faire qu'on ne désirait m'attirer en France que pour me faire servir d'exemple à tous ceux qui auraient envie de sortir du royaume pour se jeter dans le service des étrangers. Cette réflexion désabusée annonce les fruits amers du retour d'exil dans une France transformée, qui n'était plus celle du temps débridé et versatile des révoltes nobiliaires. La France ne paraissait même plus menacée par les Habsbourg, partout battue. Elle était incontestablement devenue la première puissance d'Europe. L'exil d'aventure et de quête de carrière n'avait pas apporté entière satisfaction à Chavagnac. L'époque avait changé. Louis XIV avait assis l'autorité royale par la domestication de sa noblesse et par le développement d'une armée hiérarchisée par l'État, sans qu'il y eût de pression dangereuse pour celui-ci dans les promotions et les attributions de commandement. Chavagnac ne paraissait nullement une menace pour l'autorité royale. De toute façon, il ne faisait pas partie de ces grands qu'il avait tant perturbés jusqu'à la Fronde. Ceux-ci avaient d'ailleurs été domestiqués. C'était dans une cour transformée que Chavagnac allait revenir. Il est difficile d'appréhender la présentation de Chavagnac au roi et à son retour d'exil, dans la mesure où les mémoires de Chavagnac constituent le seul témoignage. Si Dozier n'avait pas mentionné le personnage dans son armorial, si des contemporains comme Bussy-Rabutin n'avaient pas fait mention de son action pendant les guerres de la Fronde, on jurerait presque que Chavagnac était un personnage de fiction. Il n'en est rien. Et nous allons étudier le rituel de retour tel qu'il est raconté dans les mémoires, car il aide à comprendre comment s'organisait le retour auprès du roi. La narration est brève. Je vais citer in extenso le passage. Nous arrivâmes à Fontainebleau, où le roi voulut qu'on me présentât à lui chez madame de Montespan. En l'abordant, je lui dis que je lui demandais 1000 pardons si mes incommodités ne me permettaient pas de me jeter à ses pieds pour la remercier de la grâce qu'il m'avait faite de me rappeler dans son royaume. À quoi sa majesté eut la bonté de me répondre qu'il avait bien de la joie de m'y revoir et que ce n'était pas la dernière grâce qu'il voulait me faire. Il eut encore quelques discours avec moi sur les affaires d'Allemagne, et puis je me retirai à l'appartement de monsieur de Luxembourg, où toute la cour eut plus d'empressement de me venir voir que si j'avais été quelque chose d'extraordinaire. La même nuit, la goutte me prit. Le roi m'envoya chercher une heure devant jour, mais je n'y pus aller. Il m'envoya monsieur de Luxembourg pour me demander ce que je croyais de Strasbourg où il voulait aller. Quels étaient les forts et autres questions approchantes qui concernaient le siège. Nous savons que cet épisode eut lieu avant le voyage de Louis XIV à Strasbourg, fraîchement investi et qui se rendit sans que le moindre coup de canon fût tiré. Le roi séjourna à Fontainebleau du 29 juillet au 30 septembre 1681. Nous pouvons dater l'épisode raconté dans les mémoires de Chavagnac des tout derniers jours de septembre, puisque, juste après les paragraphes que nous venons de citer, le roi fut couché à Provins. Selon le marquis de Sourche, grand prévôt de France, il y fut dès le 30 au soir, après avoir pris son dîner, donc déjeuner, à Donne-Marie, aujourd'hui Donne-Marie d'Ontilly, en Seine-et-Marne. Nous pouvons raisonnablement penser que l'épisode raconté dans le mémoire de Chavagnac eut lieu le 29 septembre 1681. Contrairement à ce que l'on pourrait croire à la lecture de l'ouvrage, l'écho de son retour à la cour semble exagéré. Le discours n'est nullement corroboré par un témoin de premier ordre comme Sourche. Dans son journal, rien n'est consigné pour les dates allant du 27 au 29 septembre. Il nous faut donc mesurer l'atmosphère de la cour à Fontainebleau à partir des descriptions données les 26 et 30 du même mois. Le constat est sans appel, les courtisans avaient l'esprit ailleurs, tournés vers le voyage du roi pour Strasbourg, tous persuadés que le siège durerait quelque temps, ce qui fut démenti par la capitulation rapide de la ville. Je vais citer Sourche, pour le 26 septembre. Jamais les courtisans n'ont été si embarrassés. Il n'y en avait presque pas un qui fût en état de suivre le roi. L'un n'avait point de chevaux, l'autre point de tente, l'autre point de lit, l'autre point de voiture, et généralement tous manquaient d'argent. Cependant, il n'y en avait pas un qui voulût demeurer derrière. 30 septembre. Le plus grand nombre prit le parti de s'en aller à Paris en diligence, prendre des mesures pour le départ, alors que le roi quittait Fontainebleau. Au-delà du non-événement que fut sa venue à la cour pour la première fois depuis 1664, Chavagnac fut sans nul doute présenté au mauvais moment pour être suffisamment remarqué. De plus, il était un oripeau du passé, d'une époque jugée lointaine au regard des évolutions de la cour. Quelle différence en comparaison de sa dernière venue ! Anne d'Autriche, si accessible pour lui, était décédée 15 ans auparavant. De nouveaux jeux d'influence et de pouvoir s'étaient fait jour, avec leur lot d'imprévus. La cour était en pleine mutation. Elle connaissait un tournant majeur, ainsi que le remarque Sourche qui dresse l'état de la France vers la fin du mois de septembre de l'année 1681, à la date du 25. Chavagnac fut présenté au roi dans les appartements de madame de Montespan. On pourrait croire à la toute-puissance de cette dernière, qui avait donné des enfants légitimés au roi, et qui avait même eu la capacité d'imposer à son amant et à Louvois l'élévation au maréchalat de son frère Vivonne dans la monnaie de Turenne en 1675. Naïvement, c'était de bon augure pour Chavagnac, d'autant plus que les mémoires laissent croire que Louis XIV lui avait promis des grâces futures, qui ne vinrent jamais. Or, c'était méconnaître le véritable contexte de l'existence de madame de Montespan à la cour, ainsi que l'explique Sourche. Madame de Montespan avait été en faveur pendant 10 ans tout au moins, et quand elle avait vu diminuer sa faveur, elle avait trouvé moyen de se faire surintendante de la maison de la reine à la place de madame la comtesse de Soissons et de se faire donner les honneurs du Louvre, et par ce moyen elle se soutenait à la cour, aussi bien que par ses enfants que le roi aimait et dont la considération l'obligeait de garder encore beaucoup de mesures avec elle. L'étoile de la favorite avait pâli. L'affaire des poisons avait indéniablement altéré l'affection du roi. De plus, l'influence grandissante de madame de Maintenon et de Bossuet détournait celui-ci progressivement d'une existence contraire à la religion après la brève passion pour mademoiselle de Fontange, premier glas sonné pour madame de Montespan, dont la grâce avait, semble-t-il, baissé avec les grossesses successives et le passage à la quarantaine. Elle ne pouvait plus incarner les années de gloire et d'insouciance désormais passées. Elle n'avait pas autant d'esprit que madame de Maintenon pour se maintenir en dépit du tournant moral progressif du roi. Son maintien à la cour ne fut que le résultat de subterfuges et le résultat de l'attachement du souverain pour ses enfants légitimés. Mais Chavagnac fut reçu dans les appartements de celle qui commençait déjà à n'être qu'un astre mort dans le système de la cour, ce qui ne sembla pas avoir été compris par le ou les auteurs des mémoires qui, par la narration du retour d'exil de leur personnage principal, établissent un tableau de la puissance passée de Madame de Montespan. Chavagnac fut présenté au roi par son ami le maréchal de Luxembourg, juste avant que celui-ci accompagnât le roi dans son voyage pour Strasbourg. Luxembourg était capitaine des gardes du corps. Ce fut pour cette raison qu'il ne le quittait plus, pour reprendre l'expression de Bertrand Fonck dans sa belle biographie du maréchal. La venue de Chavagnac à la cour était l'occasion de faire de son retour d'exil un prétexte pour souligner le retour en grâce du maréchal, dont le décès clôture par ailleurs les mémoires. Impliqué également dans l'affaire des poisons, notamment en raison de son goût pour l'alchimie, qu'on retrouve par ailleurs dans les mémoires de Chavagnac en 1682, embastillé, Luxembourg ne fut finalement pas inquiété, même s'il dut s'exiler un temps sur ses terres. En juin 1681, il était enfin rappelé auprès du roi, Madame de Scudéry, écrivant le 29 à Bussy-Rabutin qu'après sa disgrâce, le maréchal était à la mode, ce qu'affirme également Saint-Simon plus tard dans ses mémoires. Le choix par Chavagnac de Luxembourg pour être reçu par le roi était bien plus opportun que ne le laissent penser les mémoires. Bertrand Fonck considère que ce retour en faveur était comparable au pardon accordé au frondeur repenti en échange d'une soumission sans faille. Chavagnac aurait-il pu incarner ce lien avec le passé ? Le revirement en faveur de Luxembourg n'était pas exemple d'ambiguïté. Le récent biographe de Luxembourg note qu'il ne retrouva pas l'oreille du souverain ni l'influence qui était la sienne avant l'affaire des poisons. Les paroles qu'aurait tenues Louis XIV à Chavagnac auraient-elles été synonymes du célèbre « je verrai » qui signifiait en réalité une fin de non-recevoir ? La proximité de l'ancien exilé avec le maréchal lui aurait-elle donc coûté aussi cher par effet de ricochet ? Luxembourg n'avait retrouvé sa grâce militaire qu'en 1690, ayant assisté en spectateur aux campagnes des Réunions et au début de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Selon le maréchal de Villars dans ses mémoires, il était ennemi déclaré du marquis de Louvois. Comment espérer des grâces en étant lié à Luxembourg, personnage à la faveur si ambiguë ? Le retour d'exil raté de Chavagnac était-il donc imputable à Louvois ? La parution de telles mémoires en 1699 interroge. Le privilège du roi octroyé à l'imprimeur byzantin Rigouane semble avoir été accordé sans problème. Même si les mémoires se prolongent quelque peu artificiellement jusqu'en 1695 pour boucler la boucle avec la mort du maréchal de Luxembourg, précédant de peu celle de Chavagnac, l'autorisation de paraître donne la même impression que pour celle des mémoires de Bussy-Rabutin. Le sentiment d'une époque révolue, n'ayant aucun effet subversif sur un règne ayant fait ses preuves en matière de solidité étatique. Louis XIV semblait-il donc alors au-dessus de ses propos de plume post-mortem ? Un élément frappe à la lecture des pages consacrées au retour d'exil de Chavagnac. Son souci de jouir de faveur après une quinzaine d'années d'absence de France, ayant même été dans l'armée ennemie. Les mémoires mentionnent deux fautes majeures. « Je fis, en arrivant en France, deux fautes considérables. La première, de ne pas m'adresser à M. de Louvois pour me faire présenter de sa main au roi qui n'aurait pas manqué de m'obtenir des grâces de Sa Majesté. Au lieu que je me fis présenter par M. de Luxembourg, auquel j'appartenais de si près, que j'aurais été blâmé de tout le monde si je n'avais pas gardé avec lui toutes les mesures que mon inclination particulière m'obligerait de conserver pour sa personne. La seconde fut qu'arrivant à Paris avec plus de 55 chevaux, deux carrosses, deux pages, de gentils hommes et du monde à l'avenant, je n'eus pas la conduite de réformer mon équipage qui me consuma en peu de temps 20 000 écus qui me restaient, avec ma vaisselle d'argent qui, joint ensemble, si je les avais portés à la maison paternelle, m'aurait fait subsister doucement le reste de mes jours, mais ma mauvaise étoile l'emporta. Les mémoires suggèrent-ils l'ambition d'un retour au service avec un grade supérieur ou une gratification équivalente ? Une telle idée n'était pas absurde. Montal, plus âgé que lui, était encore en service, sans oublier un précédent aussi marquant que celui du maréchal de la Force, qui ne se retira du commandement qu'en 1638, âgé de 80 ans. En 1681, Chavagnac n'avait que 57 ans. Tout n'était pas forcément ouvert, mais rien ne paraissait impossible pour autant. Or, il n'eut rien à espérer, ce qui fut d'autant plus grave qu'il ne sut pas réaliser les économies nécessaires pour subsister avec quelque aisance. Le texte des mémoires suggère une raison majeure, présentée comme déterminante, le fait d'avoir snobé, même involontairement, Louvois. Chavagnac avait préféré se faire présenter au roi par le maréchal de Luxembourg, auquel il était lié en tant que compagnon de clientèle du prince de Condé et ancien frondeur. Le secrétaire d'État de la guerre en survivance, son père, le Tellier, ne mourut qu'en 1685, détenait un rôle essentiel dans les nominations. Il était réputé faire la pluie et le beau temps dans les promotions, ce qui n'était pas systématique, mais pas tout à fait exagéré non plus. Le propos tenu dans les mémoires de Chavagnac prête légèrement à caution. En effet, le jour de sa présentation au roi, Louvois était déjà parti pour l'armée devant Strasbourg. Il se trouva à la capitulation de la ville le 30 septembre, étant arrivé la veille. Le ministre avait pris congé du roi le 25 précédent, Sourche ajoutant à la date du lendemain que M. de Louvois était allé en toute diligence devant Strasbourg. Chavagnac avait-il vraiment manqué l'occasion de passer par lui pour son audience auprès du roi? Rien n'est moins sûr. Évitable ou non, l'erreur commise par Chavagnac devient prétexte à dénoncer Louvois, mais non Louis XIV. Le ou les auteurs des mémoires mettent en valeur l'idée traditionnelle d'un roi bon, mais mal conseillé, et surtout la nécessité d'être bien avec Louvois pour relancer une carrière ou s'élever au plus haut. Il s'agit d'un thème récurrent dans les mémoires de contemporains, tant authentiques qu'apocryphes, publiés après ceux de Chavagnac. Nous songeons bien sûr en premier lieu à l'échange entre le jeune marquis de Villars et Louvois avant l'ouverture de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Dans ses mémoires, authentiques, le futur maréchal met la valeur de son avancement essentiellement sur le compte d'une animosité nourrie par le ministre envers lui. Si cette assertion n'explique pas l'ensemble des raisons ayant fait penser à Villars qu'il subissait une mise à l'écart, par mauvaise foi, il faut dire que Villars était une tête brûlée, donc il était peut-être un peu dangereux pour le nouvel esprit militaire, eh bien cette assertion permet de dater dans ses souvenirs le retour en grâce de sa rencontre-réconciliation avec Louvois, qui semble évoquer un malentendu avant de lui demander le prix de la concorde qui s'avéra être la charge de commissaire général de la cavalerie. Il faut reconnaître néanmoins que le jeune Villars avait soudainement eu le dessus sur Louvois en tant que protégé de Madame de Maintenon. Cette dernière était amie du père du jeune officier et avait promis de l'aider dès qu'elle en aurait l'occasion. Toutefois, il était nécessaire de mener une réconciliation avec Louvois, qui lui demanda de se présenter pour en établir les termes. Il en était de même dans la littérature apocryphe des mémoires, à l'exemple de ceux du comte de Vordac par l'abbé Cavard, publié en 1722 pour le tome 1 et en 1723 pour le tome 2. Avant de partir servir l'empereur, Vordac obtient une promotion en allant présenter ses respects à Louvois, considéré comme un ministre tout-puissant, impérieux, pour reprendre l'expression de Carré d'Aligny, qui fonde son aversion sur le tout aussi apocryphe testament politique de Louvois. Les mémoires de Chavagnac servent à dénoncer la toute-puissance de Louvois. Dans le genre des mémoires, il est l'un des premiers à ouvrir le développement de ce thème récurrent dans les mémoires authentiques ou apocryphes. La diffusion de l'ouvrage, avec privilège du roi, ses réimpressions, son influence historiographique dans de nombreuses productions historiques ultérieures ont contribué à consolider la réputation dominatrice et négative du ministre. Louvois mourut alors que son aura avait baissé et qu'il approchait peut-être de la disgrâce. Quand les mémoires de Chavagnac parurent, le ministre appartenait au passé, même si son fils Barbezieux lui avait succédé. Néanmoins, celui-ci n'était pas aussi omniprésent et puissant que lui. Critiquer sa mémoire n'était pas critiquer le roi. Pour conclure, je voudrais dire qu'en dépit de leur caractère semi ou entier, apocryphe ou du moins pas entièrement sincère, les mémoires de Chavagnac dressent un parcours évolutif d'un gentilhomme pris dans les mutations nobiliaires et institutionnelles de la France Louis XIVienne. Le retour d'exil de Chavagnac sert de révélateur. 17 ans séparaient ses venues à la cour avant et après son départ de France. Les sphères d'influence avaient changé. Les campagnes militaires fructueuses de Louis XIV avaient permis l'ascension d'officiers du même âge, voire plus jeunes que Chavagnac. Le ou les auteurs des mémoires cherchèrent à louer et valoriser autant faire que se peut les actions d'un personnage qui paraît plus avoir été porté par les événements que de les avoir suscités. Son exil même ne prend pas des airs pleinement volontaires. Le privilège du roi indique à quel point Chavagnac, tout comme Bussy-Rabutin, dont les mémoires parurent en 1696, ou encore ceux de Navailles en 1701, appartenait au passé. La parution des mémoires de Chavagnac sembla probablement inoffensive, à l'image du retour d'exil de leur personnage principal. Trop longtemps resté à l'étranger, ayant servi contre son roi sans en récolter les fruits, n'est pas le prince Eugène qui veut, Chavagnac avait manqué le tournant du grand siècle. Les derniers paragraphes des mémoires, si l'on en accepte le post-scriptum sur la mort du maréchal de Luxembourg, sont une leçon de morale. Ils offrent un exemple édifiant de gentilhomme presque continuellement plongé dans l'erreur et qui finit sa vie en se repentant et en exhortant ses neveux à servir fidèlement le roi. Je vous remercie.